Pour parler de la Ligue canadienne de football avec notre ami Pascal Masson, les Alouettes de Montréal. Premier match éliminatoire depuis 2014. Salut Pascal! Salut Dan! Pascal, 2014, ça fait comment ça fait un bout 5 ans là, dans les Canadiennes? 5 ans, c'est beaucoup là. Ben c'est beaucoup, puis c'est quand même assez rare parce qu'on voit beaucoup de changements de classement dans les années. On a vu, c'est sûr, Calgary est dominé depuis plusieurs années, mais tu as vu Toronto gagner une Coupe Grey, tu as vu Saskatchewan qui ont réussi à monter dans les classements, à descendre. Winnipeg, même chose. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Montréal dans les séries, puis on est bien content d'y retrouver. OK. Pascal, c'est un match quand même du côté des Alouettes. Est-ce que l'inexpérience des Alouettes, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui n'étaient pas là, à part John Bowman, il n'y a pas grand joueur qui était là en 2014, ça peut-tu jouer? Ben, c'est sûr que c'est tout le temps le fun d'avoir une édition où tu as l'expérience des séries éliminatoires. En même temps, là, on a une équipe qui joue avec le vent dans les voiles, tu sais, avec beaucoup de confiance et peut-être un peu le côté de l'ignorance, tu sais, de ne pas savoir le stress des séries ou tout ça. Donc, ça peut peut-être jouer en leur faveur lorsque tu n'as pas vraiment conscience de l'importance et que tu essaies juste de jouer comme tu as joué dans les dernières semaines depuis un bon bout de temps. Ben, c'est ce qu'il va falloir que les Alouettes fassent pour les séries. Tout simplement, ne pas se mettre plus de pression qu'ils l'ont fait depuis déjà plusieurs semaines. C'est toujours avantageux d'avoir plusieurs joueurs avec de l'expérience. Si jamais ça va pas bien. Puis si ça va bien, on va juste continuer à faire ce qu'on fait depuis le début de l'année. Ouais. Depuis un bout de temps, tu sais. Du côté des Eskimos, ça a mal été cette année, surtout la deuxième moitié de saison. Ils n'ont que deux victoires depuis le début de. Depuis en deuxième moitié de saison. Pascal? Oui, bien, je pense qu'il y a une pression beaucoup plus élevée. Oui, tu m'entends? Oui. Allô? Oui, je t'entends, Pascal. OK. Moi, c'est ça. Il y a une pression beaucoup plus élevée du côté des Eskimos, selon moi, parce que cette équipe-là, l'an passé, avait connu du succès quand même et a déçu en fin de saison. Et cette année, on est allé chercher des gros joueurs dans le marché des agents libres et on s'attendait à une grosse saison. Et ça a encore été un peu décevant. Donc, moi, selon moi, la pression est beaucoup plus du côté des Eskimos que du côté des Alouettes. Parce que les Alouettes, on s'attendait à une saison terrible. C'est le début qu'on a eu en début de saison du côté des Alouettes. Et on a réussi à remonter la pente et même à devenir une des bonnes équipes de la Ligue. Donc, je pense que les Eskimos ont beaucoup de pression et n'ont pas nécessairement la confiance solide là, pour justement traverser peut-être une tempête. Là. OK. Winnipeg-Calgary, aux dernières nouvelles, Chris Stavler n'était pas certain d'être au poste de camp. Est-ce qu'il faut donner un avantage aux Stamps, vu qu'ils sont à la maison? Ben, moi, je vais toujours donner avantage aux Stampeders. Ouais. C'est une organisation qui sait comment gagner, qui sait se préparer pour des matchs importants. Ouais. Donc, on a définitivement l'avantage du côté des Stampeders. Encore une fois, la pression est énorme là, du côté de Winnipeg parce que Winnipeg a connu une bonne saison. Puis ça fait quelques saisons là, qu'on s'attend à ce que Winnipeg soit une équipe qui se rende jusqu'au bout. Puis cette année était supposée être cette année-là. Donc, j'ai l'impression que du côté des Blue Bombers qu'on va choquer, comme on dit dans le monde du sport, et que les Stampeders vont arriver, eux, fin prêt et dominants. OK. Pascal, on va commenter un petit peu l'actualité avant de parler du match Rouge et Or contre Carabin. Il y a une nouvelle, Rick Campbell, qui n'est plus l'entraîneur-chef du Rouge et Noir. Est-ce que c'est un des bons entraîneurs de la Ligue canadienne? C'est lui qui a démissionné, par contre. C'est surprenant, hein? Bien, c'est surprenant. On ne sait pas tout de l'histoire de comment c'est déroulé depuis déjà 11 mois. Là, je parle de la saison morte, de toute la saison actuellement. Et moi, j'avais fait une intervention justement à RDS dans un match qui était celui de Toronto contre Ottawa où j'avais mentionné que selon moi, la pression n'était pas sur Campbell, mais beaucoup plus sur Marcel Desjardins. Moi, je trouvais que Marcel Desjardins avait drôlement joué ses cartes lors de la saison morte, puis elle n'avait pas donné les armes nécessaires à Campbell pour justement arriver puis mettre une équipe compétitive sur le terrain. C'est comme si on avait voulu se donner une année, un peu une année de transition là, pour la perte de nos joueurs au lieu d'essayer de. Puis tu sais, on n'est pas dans la Ligue nationale de hockey où on peut rebâtir, dire OK, on va se prendre 3 ans pour rebâtir. Non, dans la Ligue canadienne, tu peux. On l'a vu avec les Alouettes, là, tu peux être dernier, puis l'année après gagner la Coupe Grey. Donc, moi, je trouvais personnellement que la pression était beaucoup plus sur le côté de Marcel Desjardins. Et je pense que le départ de Campbell appuie ma pensée face à ça. Parce que j'ai comme l'impression que lui s'est peut-être senti laissé tomber et a décidé de tout simplement quitter. Du côté du rouge et noir, écoute, la perte de Trevor Harris, ça fait très mal. Mais tu sais, écoute, on a perdu notre passeur. On a perdu notre porteur de ballon. On a perdu deux solides receveurs en Ellingson. On a perdu des joueurs importants défensivement également. Donc, mais à l'attaque, c'est là ce que ça avait fait le plus mal, c'est qu'à l'attaque, tu as enlevé l'intelligence de ton attaque avec le carrière, t'as enlevé ton jeu au sol. Donc, les défenses adverses, quand t'as pas de jeu au sol, ils respecteront pas ce qu'on appelle les play action, tu sais. Ils respecteront pas ta boîte. Donc, ils vont jouer beaucoup plus au niveau de la passe. Ils vont dire, vas-y, essaie de nous battre avec le jeu au sol. Et on a mis deux carrières, dont un jeune qui a eu de la difficulté. Dominique Davis. Et Dominic Davis qui a de la difficulté à prendre un rythme. Puis, tu sais, on a 3 victoires du côté d'Ottawa, dont 2 dans les 2 premiers matchs de la saison. Du côté, la bonne nouvelle dans ça, c'est que quand il va y avoir des bons cadres de disponibles, Chris Tavler en est un. Quoique dans les Canadiens, pour gagner, il faut deux cadres maintenant. Chris Tavler en est un. Il y a le cadre à Hamilton. Il va avoir certainement un cadre également, parce que Dwayne Evans il fait tout un job également. Donc, il va avoir des cadres, il va avoir 2 à 3 cadres de disponibles certainement pour le rouge et noir. Là, donc, Danny Machocha circule. Crois-tu à ça? Ben, c'est comme une mode, là. Dès qu'il y a un poste de disponible, le nom de Danny Machocha sort. Ben, je crois-tu à ça? Oui, parce que Marcel Desjardins a déjà travaillé avec Danny. Ça serait peut-être une bonne idée pour la communauté d'Ottawa, Gatineau, d'avoir un peu comme le nom de Danny sortait avec les Alouettes. C'est toujours intéressant d'avoir un entraîneur bilingue et de proximité. Ouais, mais par Mais contre, est-ce que ça sera vraiment ça? Je veux dire, c'est les médias, hein, qui ont sorti ça. Je ne sais pas si vraiment Marcel Desjardins est intéressé en les services de Danny Machocha, mais c'est pas impossible. c'est le don de Tradown, c'est le site internet Tradown Nation qui a sorti la nouvelle, donc qui est le C'est site ça. porté sur la Ligue canadienne. Pascal, on va parler de Vancouver maintenant. Maurice Claybrook a été congédié. C'est quand même surprenant, pareil. Le gars, écoute, a été longtemps coordonnateur de la défensive des Stampeders de Calgary. Donc, il connaît le tabac. C'est surprenant qu'il a pas réussi, hein? Mais c'est pas que. Moi, je suis pas surpris qu'il n'ait pas réussi à sa première année. Ce que je suis surpris, c'est à quel point on était rapide sur la gâchette du côté de Vancouver. Je veux dire, tu nommes entraîneur-chef un jeune coach dans la ligue, puis tu lui donnes à peine une saison pour mettre l'équipe à son identité, travailler sa saison morte. Je sais pas. Peut-être que Vancouver ont un nom en tête et on Ben veut Rick tout de Campbell, suite. les rumeurs veulent que ce soit Rick Campbell C'est qui se ça, ramasse là. mais c'est surprenant. Moi, Devon Claybrook, je l'adore. J'ai toujours aimé ce qu'il a fait. Puis c'est sûr que j'ai un parti pris. J'ai joué avec le gars. Puis je sais que c'est un super bon gars. Puis je suis convaincu qu'il a le talent et les capacités pour être entraîneur-chef dans les Canadiennes. Sauf que là, on vient pas de donner une grosse chance. Pascal, on va parler maintenant du Rouge et Or contre les Carabins demain. C'est encore un classique. Une année, c'est à Montréal, des fois c'est à Québec. Donc, écoute, le fait d'être à Québec demain, C'est un avantage pour le Rouge et Or? Ah, absolument. Ouais. C'est la coupe d'Ondsmore, puis pas que c'est pas que c'est impossible, mais la coupe d'Ondsmore, les matchs de saison entre le Ouais. Rouge et Or et les Carabins, puis tu sais, depuis 7 ans déjà consécutives, là, cette année consécutive, qu'on voit que c'est les deux mêmes équipes, les matchs entre eux durant la saison, c'est justement pour avoir l'avantage du terrain à la coupe d'Ondsmore. C'est pratiquement ça l'enjeu de la saison, parce que ça a un impact majeur sur le match, parce que des deux côtés, on a des foules incroyables, on a un avantage là, flagrant lorsqu'on joue à domicile. Donc, regarde, tu vois, cette année, c'est chacun une victoire, puis chaque victoire a été gagnée à domicile. Donc, c'est pas impossible, mais oui, effectivement, c'est un avantage majeur pour le Rouge et Or. Thomas Bolduc, c'est bien acclimaté, hein? C'est incroyable. Le fils d'André, en passant, hein? Ben oui, ben Thomas Bolduc, comme carrière recrue, fait exactement ce qu'un jeune corps doit faire. Ne force pas les choses, prend les bonnes décisions. À la limite, prend son temps en début de match pour pas justement créer de revirement et donner un momentum à l'autre équipe. Et à un moment ou à un autre, il y a un jeu qui va faire la différence, qui va donner le momentum à son équipe, et c'est là qu'il profite. Je le trouve très calme et très mature là, dans son comportement. Ouais. Pascal, on s'en reparle vendredi prochain. Absolument. Collaborateur Pascal Masson.